إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن الدين الإسلامي دين شامل كامل ارتضاه الله عز وجل لعباده ونسبه إلى نفسه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فهو دين يشمل أمور الحياة كافة أولها وأعظمها إفراد الله عز وجل بالعبادة لا شريك له وعلى هدى من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تلك العبادات والطاعات التي أمر الله عز وجل بصرف التعبد لها وحده ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله قل لهم إن صلاتي ونسكي نسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة فالصلاة أجل العبادات البدنية والنسك أجل العبادات المالية فمن صلى لغير الله فقد أشرك ومن ذبح لغير الله فقد أشرك وكما أنه يجب إخلاص الصلاة لله فكذلك يجب إخلاص الذبح لله لأن شأنهما واحد Sachez, chers musulmans et musulmanes, que cette religion musulmane est vaste et complète. Une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour ses serviteurs. Et c'est une religion qu'Allah azza wa jal s'est attribuée à lui-même. Il dit azza wa jal, la religion chez Allah, c'est l'islam. Ainsi, l'islam englobe l'ensemble des sujets de cette vie d'ici-bas, et le sujet le plus important, c'est bien sûr de vouer nos adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et en suivant dans cela la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces adorations et ces obligations qu'Allah azza wa jal nous a ordonnées de vouer à lui seul, il y a ces adorations citées dans ce 162e verset de Sourate Al-An'am, les bestiaux, dans lequel Allah Azzawajal dit selon le sens, dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire, dit au Muhammad, à ses polythéistes, qui adorent autre qu'Allah, et qui sacrifient pour autre qu'Allah, dis-leur, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, c'est-à-dire ce sur quoi je vis et ce sur quoi je meurs, comme foi et acte pieux, tout ceci appartient et est voué à Allah, le Seigneur des mondes. Tout ceci est fait en toute sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah, point d'associé à lui. C'est-à-dire que je n'associe rien de ses adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est l'une, si ce n'est l'adoration que l'on fait avec notre corps qui est la plus méritoire. Et le fait de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des adorations en rapport avec l'argent, avec ce que tu dépenses, qui sont les plus méritoires également. Ainsi, celui qui prie pour autre qu'Allah a alors associé à Allah. De même, celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah est tombé dans le polythéisme. Comme il est obligatoire pour toi, cher musulman et musulmane, de vouer ta prière exclusivement à Allah, eh bien, de la même façon, il t'est obligatoire d'être sincère et de vouer toute bête que tu sacrifies à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّبْحُ مِنْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ أَجَلِّ الْقُرُبَاتِ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ نَاقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِقَبْرٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ مَلَكٍ أَوْ نَبِيٍّ أو جني أو لطلعة سلطان وغير ذلك. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص الصلاة لله لأنها أعظم العبادات البدنية، وأخلص الذبح لله لأنه أعظم العبادات المالية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أمره الله عز وجل، أي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنية القلب إلى الله عز وجل. والنسك الذبيحة لغير الله، الذبيحة لله ابتغاء وجهه، ويدخل فيه ما ثبتت مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضحية والهدي والعقيقة. De fait donc de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des adorations les plus méritoires. Celui donc qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah est alors tombé dans le grand polythéisme qui le fait sortir de l'islam, wal'iyadhu billah. Comme celui qui sacrifie une bête pour une personne dans sa tombe, ou celui qui sacrifie une bête pour un arbre, pour une pierre, une statue, pour un ange, pour un prophète, pour un djinn, ou pour montrer la grandeur d'un gouverneur, tout ceci, wal'iyadhu billah, fait partie du grand polythéisme. Allah Azza wa Jal dit, en sourate Al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. C'est-à-dire, prie en toute sincérité pour lui et sacrifie en toute sincérité pour lui, subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a commenté ce verset de Surat al-Kawthar en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rassembler entre ces deux adorations qui sont la prière et le sacrifice, qui toutes deux expriment, ou à travers ces deux adorations s'exprime le besoin de se rapprocher d'Allah, l'humilité, le besoin, la certitude forte et également l'apaisement du cœur. Et le sacrifice, c'est-à-dire de sacrifier une bête en ne voulant derrière cela que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sacrifices religieux sont de trois sortes. Il y a le sacrifice de l'Udhiya, qui est la bête que l'on sacrifie le jour de Eid al-Adha. Il y a al-Hadi, qui est la bête sacrifiée par le pèlerin. Et il y a al-Aqiqa, la bête sacrifiée pour, en guise de reconnaissance. Et lorsque la personne a eu la bonne nouvelle, ou lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a fait don d'un enfant. فَالصَّلَاةُ أَجَلُّ مَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ وَمَا يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالذُّلِّ وَالْإِقْبَالِ لَا يَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهَا وَيَجْتَمِعُ لَهُ عِنْدَ النَّحْرِ إِذَا قَارَنَهُ الْإِيمَانُ وَالْإِخْلَاصُ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِينِ وَحُسْنِ الظَّنِّ أَمْرٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال فدل على أن الذبح عبادة من أفضل العبادات وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر وقد تضمنت الصلاة كثير من أنواع العبادة وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. La prière est donc l'une des adorations par laquelle le serviteur se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sont réunis dans la prière le recueillement, la soumission et la volonté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, chose qui n'est réunie dans aucune autre adoration. Également, le sacrifice, l'adoration de sacrifier une bête pour Allah Azza wa Jal, rassemble la forte conviction et la conséquence du fait que la personne dépense tout d'abord son bien, son argent, qui est aimé par sa propre personne, puis donne la mort à cette bête, alors que souvent elle exprime ou elle a de l'amour envers celle-ci ou de l'attachement envers celle-ci, mais cette personne sacrifie cette bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cet acte de sacrifier une bête fait donc partie des adorations qui ont le plus de mérite auprès d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait beaucoup, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifiait beaucoup de bêtes. Lors du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 100 chamelles, 63 qu'il a sacrifiées de ses propres mains, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et cette adoration du sacrifice contient d'autres adorations également. Ce n'est pas seulement sacrifier une bête, comme je l'ai dit, mais c'est tout d'abord rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'humilier devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépenser de son argent et sacrifier un bien qui souvent nous est cher. Celui donc qui sacrifie pour autre qu'Allah sombre, qu'Allah nous en préserve tous dans le grand polythéisme. Et dans le hadith الذي رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله والذبح لغير الله له أمثلة كثيرة منها من يذبح لقبر نبي أو ولي أو غيرهما أو من يذبح للشياطين والجن طلبا للشفاء كما يحدث عند السحرة أو من ذبح في طريق السلطان تعظيما له أو من يذبح للكواكب ونحوهم أو من يذبح عند حفر بئر أو عتبة المنزل استرضاء للشياطين والجن أو لكف شرهم عن أهل المنزل فمن ذبح عند القبور تعظيما لأصحابها أو تقربا لهم أو رجاء نفعهم أو دفع مضرة فقد أشرك والعياذ بالله وكذلك من قال باسم النبي أو الولي فلان وكذلك لو ذبح للجن خوفا من شرهم أو أهل لغير الله بذبيحة لأن الساحر أو الكاهن طلب منه ذلك قال أهل العلم في ذكر بعض أفعال أهل الجاهلية كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن ويجب على المسلمين أن يعلموا علم اليقين بأن من ذبح لغير الله فقد أشرك حتى ولو قال عند الذبح بسم الله حتى لو سمى الله عند ذبحه ما دام أنه ذبح لغير الله فإنه واقع في الشرك والعياذ بالله وسواء أكان المذبوح من بهيمة الأنعام أو غيرها فكله من الشرك الأكبر ويحرم الأكل من تلك الذبيحة أو الشرب من مرقها أو استخدام جلدها أو الانتفاع بها على أي وجه كان. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Et la malédiction, c'est-à-dire l'expulsion et l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Et le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, il y a beaucoup de façons de le faire. Wal'iyadhu billah. Parmi les exemples de sacrifices pour autre qu'Allah, ceux qui sacrifient auprès d'une tombe d'un prophète, ou auprès d'une tombe d'un saint, ou autre, ou celui qui sacrifie une bête pour les diables ou pour les djinns, en demandant ou en leur demandant la guérison, comme ceci est fait par les sorciers, ou celui qui sacrifie une bête sur le chemin d'un gouverneur en guise de reconnaissance envers lui ou pour montrer son importance et sa grandeur, ou le fait de sacrifier pour des étoiles ou des astres, ou le fait de sacrifier une bête lors d'un forage de puits, ou lorsque l'on sacrifie une bête sur le seuil ou au seuil de la porte d'entrée d'une maison, afin de satisfaire les diables et les djinns, ou afin qu'ils nous préservent de leur mal dans l'enceinte de cette maison. Celui donc qui sacrifie une bête auprès d'une tombe pour immensifier ses habitants, ou pour se rapprocher d'eux, ou espérer d'eux un bien, ou espérer qu'ils repoussent un mal, a alors commis le grand polythéisme. De même que celui qui sacrifie une bête en disant au nom du prophète ou au nom de tel ou tel saint, celui qui sacrifie pour un djinn de peur de leur mal, ou celui qui sacrifie pour autre qu'Allah parce que un sorcier ou parce qu'un marabout ou parce qu'un voyant lui a demandé de sacrifier pour autre qu'Allah, tout ceci fait partie du grand polythéisme qui exclut la personne de l'enceinte de l'islam. Et les savants ont cité des faits qui avaient lieu avant l'arrivée de l'islam. Lorsque les Arabes achetaient une maison, ou lorsqu'ils la construisaient, et qu'ils voulaient être épargnés du mauvais œil, ils sacrifiaient une bête au seuil de la porte de cette maison, de peur qu'ils ne soient touchés par les mâles des djinns. Et il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane de savoir avec certitude que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah a commis un grand polythéisme, même si au moment où il sacrifie sa bête, il dit Bismillah. Même s'il prononce le nom d'Allah au moment où il sacrifie cette bête, à partir du moment où il ne l'avoue pas pour Allah, il est tombé dans le polythéisme. Que cette bête qu'il sacrifie fasse partie des bestiaux ou non, le jugement est le même. Car certains vont dire, mais je n'ai pas sacrifié de poule, je n'ai pas sacrifié de mouton, de vache ou de chameau, je n'ai fait que sacrifier un rat ou une souris. Cela a le même jugement. Que tu sacrifies n'importe quelle bête pour autre qu'Allah, tu as sombré dans le grand polythéisme. Et il est interdit de manger la bête qui a été sacrifiée pour autre qu'Allah, ni de boire la sauce qui en découle, ni d'utiliser sa peau, ni d'en tirer quelque profit que ce soit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، فربكم جلت حكمته لم يخلقكم هملا، ولم يترك أمركم في هذه الحياة مهملا، بل خلق الله الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله كالذبح للجن والأضرحة والملائكة شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. والذبح لا عبادة لا تكون إلا لله ولا يذكر إلا اسمه، فاحذروا أن تزل بكم القدم فإن زللها خطير، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري. Chers musulmans et musulmanes, je conseille à moi-même et à vous tous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de redouter tout ce qui pourrait provoquer sa colère, subhanahu wa ta'ala. Et sachez que les textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs et évidents dans l'obligation de sacrifier des bêtes pour Allah et de faire cela en toute sincérité pour Allah, subhanahu wa ta'ala, comme cela est demandé pour la prière. Et nombreux sont les versets dans le Coran dans lesquels Allah, subhanahu wa ta'ala, cite l'un à la suite de l'autre, la prière et le sacrifice. Le sacrifice est donc l'une des adorations les plus méritoires, l'une des obéissances les plus grandes, et de sacrifier pour autre qu'Allah, comme un djinn, comme un mausolée, un ange ou autre, fait partie du grand polythéisme. Et lorsque tu sacrifies pour Allah, prononce lorsque tu sacrifies le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le nom d'Allah seul, et prends garde à ne pas déraper. Car de déraper en ce qui concerne le polythéisme, c'est sombrer dans les abîmes de l'enfer, wal'iyadu billah. Ne minimisez pas la gravité de cela et ne faites pas partie de ceux qui disent « Mais où sont ces personnes qui sacrifient pour autre qu'Allah ?» Une personne qui dit cela, soit elle est ignorante. Dans ce cas, on lui demande poliment de bien vouloir se taire, ou soit cette personne sait Nous lui disons alors qu'elle sait, mais que malheureusement, elle oublie vite, très vite. Car Ibrahim alayhi salam a redouté le polythéisme. Et c'est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez garde au polythéisme. Prenez garde de ne pas déraper. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est aussi proche de vous que le lacet de vos chaussures. Et l'enfer en est de même. Le paradis, il n'y a entre toi et lui que la mort. L'enfer, il n'y a entre toi et lui que la mort. Ainsi, prends garde à ne pas déraper. Prends garde à ne pas sombrer. Nas'alullah azza wa jal an yahfadana min ash-shirk. اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا ممن يعبدونك حق العبادة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره وأرحنا من شره يا قوي يا متين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.